Thank you. Nickel. Alors moi à la base je suis sur harmonica, mais j'ai pas celui qu'il faut pour la tonalité sur la tonalité de ta boucle. Ouais. Excuse-moi, j'essaie plus de partir à côté. Attends, je coupe. Ok, cool. Alors cycle des quintes. Yes, nickel. Alors moi je suis sûr, tu vois, moi... Attends. Ah mais c'est pas grave, ma boucle je peux la virer, j'avais mis ça en attendant pour mettre du son. Après moi je suis équipé d'une petite machine, en fait j'ai une machine pour faire un peu de son. Attendre un pote là qui a donc, quand le morceau est en mi, je dois prendre un la. Donc s'il est en la mineur, ah, j'ai pas d'harmo en mineur. Non, j'étais juste en train de regarder pour l'harmonica qu'il fallait pour jouer, mais j'ai pas d'harmonica en mineur, donc... Mmh.